Eden Saboga na Pointe Noire, Dalela Laurent Lorenzo, Didi Lundeyete, Brice Mpangi, Vivi Kili Bebe Munanga, Adele Mbouyi. Lora ya koseka na nonga na mo na zela mino na yo na kingo zomi na la kusira pa. Tete Thérèse. Bomengwe lingi nango nga ite kasi na mapesa nga seli kabo ya elope luti motu ya nalati. Isi Jora. Nkomo nango bolingo. Chéri ya tambola kaloko l'extra terrestre. Lorana na kitoko chéri ye ye. Suka lima ye le kiatao ya mafuta nzoni. Soki liwe ye na kosenge zonga moko na mususu. Edi Badiata. Toza la kana ye le fus kata mala moko na mvula. Santi mawane koza la ye te amene mo. Kole kata feti ya bonane ye ye. Ekachaka. Le raisonnement a quitté mon chéri, Soukalina et le gâteau, y'a ma foute en soyeux. Et puis à l'autre. Son kiwa et le conseiller, son amour, comme mon soussou. Dans la cana, y'a les fils kata, ma la mort en amoula. Sentima wa, ne konza la éternellement. On est à ta fête, y'a bonne année, y'a de l'eau cabalée. Il est vita. Kala kala, ou ta kala wo. Willy Carlos. Barcelone na ngayo kala kala uta kala fatu ilunga yo kala kibete na tanda basosa magi mwayuma mepupale na kami mpete na kasi ya mamangola makonyo tala yo lokola televizyon makonyo tala yo lokola televizyon kwa mpawe papa okie na nidistomi na bengi yo na telefone. Oyambi, oui, yokatelina telefone. C'est vrai que l'inégalité, c'est tati chingolo. T'es cassé, patati. Chancelier, mon balana, bon balana. Lusumulana, bon alignio. Bon balana, bon balana. Bon balana, bon balana. Bon balana. Bon balana. Bon balana. Bon balana. Mamari, balana. Michel. Claude Ngomakosi, Pati Omombo, Papicho Mwekatono, Nagi d'Orange. Mais Bayo va répondre à mon tote. Pamaro, Pama, Tamanobi. Pamaro, c'est pas manati, Kayote. Zambé pesa bangorozu, y pesa na y sagesse ya Salomon. Na y batara, koki ma souffrance ya bouillou. Na poito kabwana lokola, o krise na mopagano ye. Digne Mbeti, bienvenue Wawa. So ki lopo kweye baka, pasya oyo lutu e mona kanatango ya boba ou sibi loko. Bele oke la kayata, mama wazwa ide. Yo baby si mote manana, na weo salina. Yo baby si mote ima ya gramo pa, na weo salina. Fali pumba ye, anelta. Nana linga kayo, mama ye ye. Nani mama ye ye, no mama ye ye. François Babadi. Anama iti di na aya katika. Didier Nyamalembe. Ivenjoli Patrick Ngubi, Dina Yowinge, Jome Mukamba, Chef Majunda, Ivo Stor, Betipia, Andy Kisenda, Jerito Folo, Tayiru Diallo, papa na Mathilde,